Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. C'est toujours avec le même plaisir, le même bonheur, la même envie que je vous retrouve chaque semaine pour cette émission intitulée « Danser maintenant » avec aujourd'hui, mais alors je vous dis que ça, des pépites, des chansons que vous n'entendez quasiment jamais, pourtant qui sont merveilleuses. « Danser maintenant », bienvenue à toutes et à tous. Belle rencontre musicale grâce aussi à nos deux chroniqueurs vedettes. Il s'agit d'Arlette pour la chanson française et de Christophe Pesset pour l'accordéon. Les souvenirs, c'est maintenant. Dansez maintenant. Et si je vous parle de souvenirs, c'est pour cette belle chanson que me chantait, je vais vous faire une confidence, ma grand-mère. Voici nos souvenirs, cette fois-ci par Catherine Jay. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent, vont faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Les souvenirs des jours heureux sont de jolis papillons bleus. Notre cerveau les accapare, car ils sont infiniment rares. Après un orage, un malheur, ils viennent égayer nos cœurs. Les souvenirs des jours heureux sont de jolis papillons bleus. Les souvenirs de nos soucis sont de vilains papillons gris. On a beau leur donner la chasse, à nous peiner, ils sont tenaces. Mais dès qu'arrivent les beaux jours, ils disparaissent pour toujours. Les souvenirs de nos soucis sont de vilains papillons gris. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui, par une tactique habile, en nous ont élu domicile. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont leur nid. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours. Je vous l'avais dit, c'est une très très belle chanson, Nos souvenirs. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Encore une pépite, Luis Mariano. Plus je t'entends, plus je te vois, et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois tu dis souvent n'importe quoi. Plus je t'entends, plus je te vois, et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi. Pourquoi? Et je t'entends et je te vois toujours la même. Et je t'entends et je te vois comme autrefois. Tu dis des mots, encore ces mots, toujours les mêmes. Tu dis ces mots, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ah, je vous l'avais dit, c'est impressionnant cette version de cette chanson d'Alain Barrière, interprétée ici donc par Luis Mariano, Plus je t'entends, moi j'adore ce titre. Voici maintenant une petite pause musicale et puis on retrouvera bien sûr la rubrique de Christophe Pesset qui va nous faire découvrir aujourd'hui un jeune accordéoniste qui s'appelle Aurélien Schneider. Bonjour à toutes et à tous, merci Hubert. Cette semaine, je vous propose d'écouter un album qui s'appelle Le plus grand bal du samedi soir. C'est Aurélien Schneider. Aurélien Schneider, double étoile d'or au Zénith de Paris. On va dire c'est le petit protégé de René Grelier. Et on va tout de suite l'écouter dans un passodoble qui s'appelle El Groliero. On y va, Aurélien Schneider. Thank you. bien, il joue très bien, c'est Aurélien Schneider. On va tout de suite, eh bien, continuer dans la même voie. Un CD qui est sorti, bien sûr, chez CDMC. Si vous avez envie de vous le procurer, eh bien, n'hésitez pas. Il y a 16 titres, dont un morceau, eh bien, que Hubert, tu pourrais chanter en début ou en fin de bal, qui s'appelle « Merci de votre présence ». On va tout de suite passer, eh bien, dans la région de Aurélien Schneider, qui est la Champagne. Et ce morceau, justement, s'appelle « Champagne Musette », une composition de Éric Bouvel et René Grelier. « Champagne Musette ». Quand on veut parler chansons françaises, on fait appel à une spécialiste. Elle s'appelle Arlette et elle est là, dans le studio. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette. Hubert, oui. Si je te dis le pionnier du twist en France, de qui s'agit-il ? Alors je cherche dans mes archives, je ne vois qu'une personne, Richard Anthony. Oui, bien sûr, Richard Anthony. Ah. C'est un chanteur des années 60, oui. Né en 1938 au Caire, en Égypte, où ses parents sont ambassadeurs de Syrie, ce qui les oblige à changer souvent de pays. Cela permet au jeune Ricardo de parler 6 langues couramment. Du coup, il est ouvert à toutes les musiques du monde entier. Arrivé en France, jeune saxophoniste, il joue dans les clubs de jazz et se produit notamment au Vieux Colombier, dont le patron Claude Wolf n'est autre que le mari de Petula Clark. Ça aide, bien sûr. Et le fait d'être polyglotte, de parler 6 langues, lui permet de réaliser plus de 800 adaptations en français des musiques étrangères les plus célèbres. Il devient pionnier du twist en France, surnommé le père tranquille du twist, d'où la leçon de twist qu'on écoute maintenant. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du dégât. Et que vous moi, il vous prendra. C'est mieux de danser au rythme merveilleux. À danser seul à quatre ou bien à deux. pas besoin de vous regarder dans les yeux, y'a simplement qu'à être heureux. Crystal Twist, vous y viendrez tous, Crystal Twist, et vous ferez tous Crystal Twist, le monde en est triste. Un pied devant et les deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort vous l'avez. Vous sortez pour flirter avec l'espoir de vouloir vous placer. Twister, twister comme on vous a montré. Je suis certain vous gagnerez. Hey! De temps en temps, en fait vous pouvez s'effrayer lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, mis comme ça. Voilà, bien, changez rien. La parfait, vous twistez. Richard Anthony compte plus de 6000 titres enregistrés et plus de 50 millions de disques vendus. Il fait chaque année plus de 40 galas. Il enchaîne les tubes tels que Twist Again en 1961, Tu parles trop, Donne-moi ma chance en 64, Chin Chin en 65, À présent tu peux t'en aller, Écoute dans le vent en 66 et aussi J'entends siffler le train que voilà. C'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le C'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est C'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Pensais qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu, mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler. ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Fatiguée par plus de 10 ans de tournée et ne s'adaptant pas à la mode montante du disco, dans les années 70, son succès s'épuise. Il s'éloigne une première fois du public et ne réapparaîtra qu'en 74 avec « Les ballons », une bien jolie chanson. Sur la place, dès le matin, il y avait un garçon assis devant l'étalage, il y vendait des ballons. C'est pour vous, pas pour moi, venez acheter bien vite. Profitez de votre chance, car ces ballons sont magiques. Ces ballons vous rendront plus heureux, que vous soyez très jeune ou très vieux. Ils vous rendront amoureux, vous rendront amoureux. Ballon rouge pour la gloire, ballon jaune pour la joie. Il suffira d'y croire, un jour tout se réalisera. Ballon mauve pour avoir l'amour, des bleus pour le garder. Ballon vert c'est pour l'espoir, pour le sourire et la gaieté. Approchez-vous. Et les gens de partout s'approchèrent du garçon, bousculant son étalage, ils voulaient tous un ballon. Ils étaient comme des fous et croyaient tous au mirage. Cette histoire prouve après tout qu'on peut bien vendre des nuages. Ces ballons vous rendront plus heureux, que vous soyez très jeune ou très vieux. Ils vous rendront amoureux, vous rendront amoureux. Ballon rouge pour la gloire, ballon jaune pour la joie. Il suffira d'y croire, un jour tout se réalisera. Ballon mauve pour avoir l'amour, des bleus pour le garder. Ballon vert c'est pour l'espoir, pour le sourire et la gaieté. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ils vous rendront amoureux, vous rendront amoureux. Ballon rouge pour la gloire, ballon jaune pour la joie. Il suffira d'y croire, un jour tout se réalisera. Ballon mauve pour avoir l'amour, des bleus pour le garder. Ballon vert c'est pour l'espoir, pour le sourire et la gaieté. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Richard Anthony redevient premier des ventes en 1980 avec le sirop typhon. Et je suis amoureux de ma femme. Ah, l'amour, Hubert. Oh oui, Arlette. Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle. Comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Bizarre, c'est tout à fait normal. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Es-tu vraiment dans son état normal? J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme. Est-il vraiment sérieux? Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme. C'est comme ça quand on est amoureux. Demain je brise les ponts, je prends 2 billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeu de marier. Depuis longtemps déjà, n'existait plus rien. Nous restait seulement l'adresse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour deux, un nouveau. jeune. Qui sait, peut-être nous nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. J'ai rôle aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Je me sens prêt à passer 3 jours à rester couché, 3 jours à lui faire l'amour, 3 nuits sans dormir, 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Rattrapé par le fisc, il part en Amérique où il devient producteur. Et ce n'est qu'en 2012 qu'il revient en France. Au total, il aura eu dans sa carrière 17 tube classé 21 fois numéro 1 des ventes. Il est aujourd'hui encore le seul chanteur français avec un tel record. Marié 4 fois, il élèvera 9 enfants. Richard Anthony nous quitte en 2015, après une vie bien remplie. Au revoir à tous et à bientôt. D'autres grandes vedettes seront mises à l'honneur et viendront égayer nos souvenirs. Au revoir Hubert. Au revoir Arlette, à la semaine prochaine. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert le Dent. Amor les scus, amis. Te laissant partir, j'allais souffrir. Amour et pas jamais. Au revoir mon amour, embrasse-moi et promets-moi de ne pas oublier. Que je t'aimais, ce n'était rien, je t'assure, qu'un simple jeu, rien de mieux, que des baisers mêlés de rire, à cœur perdu sous le ciel bleu. C'était l'aventure, mais j'ai compris peu à peu, sans avoir osé te le dire, que j'avais trouvé beaucoup mieux. Alors excuse-moi si je reste là devant toi comme ça, mais j'ai compris qu'en te laissant partir, j'allais souffrir. Amour et pas jamais. Au revoir mon amour, embrasse-moi et promets-moi de ne pas oublier. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Sorgia FM. encore une chanson qu'on n'entend pas souvent, Michel Louvain, Une larme d'amour. Faudra oublier ce jour. Et j'ai tant de chagrin dans le cœur, car je vois s'enfuir le bonheur. Oh, reste encore une heure, mon amour. Une larme sur ma joue, une larme sur le passé. Comment l'oublier pour toujours? Ce jour où toi tu m'as quitté en me laissant sur la joue une larme d'amour, mon amour. Déjà je m'ennuie et j'ai tant de chagrin dans le cœur, car je vois s'enfuir le bonheur. Oh, reste encore une heure, mon amour. Une larme sur ma joue, une larme passé. Comment l'oublier, mon amour? Ce jour où toi tu m'as quitté en me laissant sur la joue une larme d'amour, mon amour. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Ça va dépoter avec ce coup d'ouro. Alors là, c'est Danse à coup d'ouro. C'est le titre pour le coup d'ouro. Yeah. fuego veneno cuando lo mueve y es como un trueno. Va ganándome con su bella danza sin jugar. Yo le dije así, peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado, tiene al tigre acelerado. Wow. Duro, morena, conmigo te pega. Como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena. Haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, deja el estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta diez, ¿qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al revés. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro. Y dice lento, lento, rápido, seguro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá. Je vous sens un petit peu fatigué, hein, je vous comprends, parce que là, c'est quand même beaucoup, beaucoup de sport, hein, cette danse, le kuduro, surtout avec une longueur pareille. Et on va changer de style avec cette chanson que je vous propose maintenant, « Quand refleurirons ». Les Lilas Blancs, c'est une version, cette fois-ci, de Annie Flore. Vous allez redécouvrir ce titre. Lancez maintenant sur Sorgière FM, Hubert Ledent. Et puis juste après, on retrouvera la suite de la rubrique de Christophe Pesset. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des mots troublants. Les femmes conquises feront sous l'emprise du printemps qui grise des bêtises. Quand refleuriront les blanc, on se redira des doux serments, car l'amour en fête tournera les têtes. Quand refleuriront les lilas blancs, printemps, printemps, c'est toi qu'on guette dans les bois, où les amants heureux vont s'en aller par deux. C'est toi qui feras se pâmer tendrement celle que j'aime éperdument. Printemps, j'attends pour la tenir dans mes bras, la complicité des lilas. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des mots troublants. Les femmes conquises feront sous l'emprise du printemps qui grise les bêtises. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des serment. Car l'amour en fête tournera les têtes quand refleuriront les lilas blancs. Sorgia FM, Sorgia. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Accordéon Nouvelle Vague, consacré à Aurélien Schneider. Ah, et Hubert, il va te faire plaisir ce morceau que nous allons écouter maintenant. Allez, je te donne un indice. Les paroles, c'est « ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor ». Aurélien Schneider va te jouer un très beau morceau qui s'appelle « Les gens du Nord ». Magnifique composition, notamment interprétée par Enrico Macias, « Les gens du Nord ». Très très bien joué, très belle orchestration, les gens du Nord. Et puis aussi, eh bien, un petit clin d'œil à Hubert Ledent, qui est né à Hasbrouck. Ah, vous ne le saviez pas ça, hein, Hubert, tu ne nous l'avais pas dit. En tout cas, eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment, comme toujours. Et puis en compagnie d'Hubert, c'est vrai qu'on peut passer que des bons moments. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Maintenant, eh bien, je dirais que l'accordéon, c'est champion. Et en plus, ça tombe bien, c'est le morceau qu'on va entendre, interprété toujours par Aurélien Schneider. We'll be right back. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Allez, merci Christophe, on se retrouve la semaine prochaine. Un beau duo maintenant que je vous propose. Il s'agit de Assia et de Julien Clerc. Quelques mots en ton nom. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. On ne voit vraiment pas le temps passer en votre compagnie et c'est déjà la fin de cette émission. Alors, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Alors, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même station, même heure, avec toujours le même plaisir et la même envie. Merci encore pour votre fidélité. Passez une très bonne semaine. Au revoir à toutes et à tous. Je vous embrasse. On se quitte avec Jérôme Robert. Et cet accordéon magique, et puis son père, hein, Gilles Robert, qui chante toujours avec lui. Avec deux titres même, dans un medley donc, de Foxtrot. Voici Adios Dolores, et qui sera enchaîné par Chiquita. Au revoir à toutes et à tous, je vous embrasse, au revoir. Alexis, de ses amis, les mariachis, lui disent adieu avant qu'elle ne quitte le pays. C'est au Texas, à la frontière juste en face, que Dolores va perdre sa jeunesse. Pour des dollars, elle va chanter dans les bars. Adios Dolores, chérie princesse, on croise les doigts dans l'hacienda. Adios Dolores, chérie princesse, quelle tristesse. Adios Dolores, adios. Sorgia.